Il est 18h, vous êtes bien sur Radio Arc-en-Ciel, 100% Union. Tout ce que vous voulez savoir sur l'Union portugaise, c'est tous les lundis de 18h à 19h. Donc on est en reprise, donc après les vacances de la semaine dernière. Donc on va faire un petit point sur ce qui s'est passé sur ces périodes de vacances. Et puis on fera un point sur les matchs à venir pour nos équipes pour le week-end prochain. Tempo é dinheiro, eu vou gastá-lo contigo. Até porque tempo é tudo que tenho pra te dar. Eu acho que o mundo inteiro concorda comigo. Eu não quero desapontar. Oh no. Se tempo é dinheiro, eu vou gastá-lo contigo. Até porque tempo é tudo que tenho pra te dar. Eu acho que o mundo inteiro concorda comigo. E eu não quero desapontar. Oh no. Eu não tenho um tostão, mas tenho amor no meu coração. E se eu te pedir a tua mão, vai ser com um anel feito de cartão. Numa igreja de papelão, lua de mel vai ser num paredão. E eu não te vou levar de avião, mas vou-te dar um beijo que vale um milhão. Pois eu sei que a vida custa, eu não vou negar. Mas eu sei que se não temos, vamos inventar. Pois eu sei. O sol no céu não para de brilhar. E a lua é de quem só quer sonhar. Se o tempo é dinheiro, eu vou gastá-lo contigo. Até porque tempo é tudo que tenho pra te dar. Eu acho que o mundo inteiro concorda comigo. E eu não quero desapontar. Oh no. Tempo é dinheiro, eu vou gastá-lo contigo. Até porque tempo é tudo que tenho pra te dar. Eu acho que o mundo inteiro concorda comigo. E eu não quero desapontar. Oh, oh, oh. Quando eu não puder comprar uma prenda bem cara para te levar, um milhão de flores para eu roubar. Yeah, yeah. E se eu não te puder levar para bem longe, para lá do mar, é num banco de jardim que vamos ficar. Yeah, yeah. Pois eu sei que a vida custa, eu não vou negar. Mas eu sei que se não temos, vamos inventar. Pois eu sei que o sol no céu não para de brilhar. E a lua é de quem só quer sonhar. Yeah. Se o tempo é dinheiro, eu vou gastá-lo contigo. Que tenho pra te dar. Eu acho que o mundo inteiro concorda comigo. E eu não quero desapontar. Oh, oh, oh. Tempo é dinheiro, eu vou gastá-lo contigo. Até porque tempo é tudo que tenho pra te dar. Eu acho que o mundo inteiro concorda comigo. E eu não quero desapontar. Até porque tempo é. Arc-en-ciel, c'est du soleil toute la journée. Vous êtes bien sûr Arc-en-ciel, 100% Union. Donc on va faire un petit point sur les rencontres qui ont eu lieu ce week-end. Donc week-end de vacances signifie peu de matchs. On n'avait que donc nos seniors qui y jouaient ce week-end. Donc on va faire un tour ensemble sur ces rencontres. Pour l'émission de ce soir, donc on aura plusieurs invités. Donc on a d'abord Samantha et Johan qui vont venir nous parler du stage des vacances. Donc bonsoir Samantha, bonsoir Johan. Bonsoir. Bonjour. Et Yousra avec moi comme tous les lundis aussi. Bonsoir Yousra. Bonsoir. Et un peu plus tard, lors de l'émission, on recevra aussi le coach des U19, donc Xavier, qui intervient aussi quelques fois sur les interviews, avec un joueur qui viendra et peut-être un deuxième au téléphone. Donc pour les rencontres de ce week-end, Yousra, donc on avait deux matchs, c'est bien ça? Oui, donc deux matchs pour les deux équipes seniors. Donc une défaite 3-1 pour l'équipe 2 des seniors face à l'équipe de Saint-Nié. Donc une défaite à domicile pour l'équipe de l'Union portugaise. Et le deuxième match était pour l'équipe 1 des seniors qui ont fait un match nul à l'extérieur face à l'équipe aux Turcs de Chalette. Donc pour l'équipe 2, donc on a l'interview de deux protagonistes, donc un joueur et le coach. On n'aura pas pour l'équipe 1. Suite à un petit problème technique. Donc, bonjour, je suis avec Jesse, l'unique buteur de cette rencontre. Donc une défaite 3-1 qui sonne certainement la fin de saison, même s'il reste encore un match parce que ça va être compliqué de gagner ce dernier match contre Pathé et que Main-sur-Loire fasse un très mauvais résultat. Donc quelles sont vos impressions par rapport à ce match? Un match dégueulasse en surface, franchement, je pèse mes mots, parce que franchement, aucune envie il y en avait pour nous, mais on n'a pas su faire notre jeu, on n'a pas su s'imposer, et je suis très très triste pour mon entraîneur, franchement, je suis très triste pour mon entraîneur qui avait fondé tous ses espoirs en nous, et voilà ce qui s'est passé. Très bien. Il reste malgré tout un petit espoir. Vous allez quand même essayer de faire le travail face à Pathé ou... Évidemment, évidemment. On n'aime pas perdre. Donc peu importe que le match est sans importance ou non, on va le jouer à fond. On va essayer de ramener la victoire face à Pathé. Et pas reproduire les mêmes erreurs qu'on a fait aujourd'hui. Très bien. Bon, en tout cas, je vous sens très affecté. Donc bon courage dans la vestiaire. Et on espère que vous allez vous relever vite. Ouais, merci beaucoup. Donc, petit souci technique aussi concernant l'interview du coach donc de Jérémy, que j'ai pas sur ma clé. Donc désolé pour Jérémy. Pour revenir au classement, donc pour notre équipe 2, donc malheureusement, comme on s'en doutait, donc Main-sur-Loire a une victoire. Donc là, on se retrouve, donc l'équipe 2 se retrouve troisième à 5 points du premier. Donc effectivement, ça risque d'être très compliqué la montée. En tout cas, on leur souhaite de faire un beau match face à Pathé. Peut-être qu'il y aura toujours la possibilité, sait-on jamais, au moins de gagner le deuxième. Concernant l'équipe 1, donc avec la match nul face à Chalette, on se retrouve donc 8e. Donc il y a encore le maintien à assurer, effectivement. Donc sur les prochains matchs, il reste encore quelques matchs à jouer. Donc on espère des victoires. En tout cas, on espère se maintenir le plus tôt possible pour assurer ou rester en deuxième division pour la saison prochaine. Donc voilà pour les rencontres qui avaient lieu ce week-end, donc encore un week-end light. Les compétitions jeunes reprennent à partir de la semaine prochaine. Donc on va pouvoir faire un point avec Samantha et Johan concernant le stage des vacances, donc qui était ouvert aux différentes catégories. Donc on avait ouvert au U9, des U9 jusqu'à U13, donc de 8 à 12 ans. Donc Johan qui est... avec nous aujourd'hui. Donc, Johan, raconte-nous un peu, toi, depuis combien de temps tu fais du foot ? Depuis 6 ans. Ouais, donc tu as commencé à l'Union ? Oui. Donc, Johan est gardien de but. Johan, tu as toujours voulu y être gardien ou ça s'est fait un peu par hasard ? J'ai vraiment voulu être gardien parce que j'ai vu Loris, Donnarumma, Ter Stegen au goal et je me suis dit, allez jouer au goal. Et ça te fait pas, enfin, ça t'embête pas d'avoir la responsabilité en gros, souvent des défaites quand tu te prends des buts? Non, pas trop. Pas trop, ça va. Donc on est aussi avec Samantha, donc qui est éducatrice avec moi sur la catégorie U11, donc qui était aussi présente pour le stage là pendant les vacances, et donc qui fait aussi des entraînements spécifiques gardiens. Donc Samantha, une petite impression sur le stage, enfin juste un petit truc global. On reviendra un peu plus en détail juste après la petite pause musicale. Ça a été très intense pour nous, éducateurs, vu que nous, on oublie que toute la semaine, on doit s'occuper d'enfants. D'habitude, on ne le fait que quelques heures par semaine, donc du coup, ça passe plus vite. Mais du coup, on a eu un bon groupe et on a pu faire de bonnes sessions gardiens pour pouvoir les monter en compétences, tout simplement. Ok, bon, on revient tout de suite après une petite pause musicale et on en parlera un peu plus en détail donc avec Samantha et avec Johan. Vous êtes bien sur Arc-en-Ciel, 100% Union, de 18h à 19h tous les lundis. Donc on est en compagnie aujourd'hui de Samantha et de Johan, donc qui ont participé tous les deux au stage des vacances. Donc Johan, on va reprendre avec toi. Raconte-nous un peu ce qui s'est passé pendant ce stage, ce que vous avez fait et ce que vous avez pu faire. Lundi, on a fait... matin foot et après-midi un groupe piscine, un groupe bowling. Et toi, personnellement, t'avais choisi Piscine. Piscine, ouais. Mardi, on a fait toute la journée foot. Ensuite, mercredi matin, on a joué au foot et l'après-midi, on a fait un laser game. Et jeudi, on a fait encore une journée de foot. Après, vendredi, le matin, on a fait un tournoi FIFA. On a fait Koh-Lanta, je veux dire. Ensuite, on a fait un tournoi FIFA. Et pour terminer, on a fait un match enfant contre les parents. Que vous avez gagné ou perdu ? Perdu. Et combien ? Beaucoup. 8 à 2. Donc ça, les défaites, on n'aime pas trop en parler. Donc toi, Johan, vis-à-vis du stage, donc qu'est-ce qui t'a le plus plu et ce qui t'a un peu moins plu, on va dire ? Bah, ce que j'ai aimé, c'était le lundi, la piscine. Et aussi, j'ai bien aimé mercredi, le laser game. Parce qu'on a battu les éducateurs. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est le match enfant contre parents. D'accord. Même si vous avez perdu ? Oui. Ok, très bien. Donc Samantha, toi, ton ressenti, donc tu nous l'as donné globalement tout à l'heure. Après, la difficulté sur ce genre d'exercice, donc de s'occuper d'enfants toute la semaine, comme tu l'as dit, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi sur cette semaine-là ? Ben, par rapport à d'habitude, il y avait plus d'entraînement du coup de spécifiques gardiens, donc c'est bien préparer les séances puisqu'elles durent forcément plus longtemps et toujours penser que ça reste des enfants, donc on doit rester dans l'amusement et non pas leur demander systématiquement le geste parfait, mais bien comprendre que ce sont des enfants et qu'entre chaque séance, ils ont besoin aussi de s'amuser et de rigoler entre eux. Le but était quand même de pouvoir avoir cette équipe gardien soudée et pas d'avoir justement cette compétition entre potentiellement le gardien de l'équipe 1 et le gardien de l'équipe 2 ou de l'équipe 3, mais bien de pousser tout le monde vers le haut. Et s'il y en a un qui est choisi pour aller en équipe 1 et pas en équipe 2, il n'y a pas d'animosité ou de jalousie. Et c'est à ça qu'a sert les stages à l'Union, quoi. D'accord, et du coup, là, nous, au niveau des gardiens, c'est vrai que tu avais aussi une fourchette, on va dire, entre enfin, tu avais 6 gardiens avec toi, donc plusieurs catégories. Est-ce que c'est pas compliqué, de faire travailler les plus petits avec les plus grands, ou justement, pour les plus petits, c'est toujours intéressant de prendre modèle ou de s'appuyer sur les plus grands ? Bah, c'est vrai que quand on a de U9, U11 et U13, c'est sûr que les plus grands ont déjà des bonnes bases. Et du coup, les plus petits ont fait plus de répétitions de gamme. Mais les grands ont toujours besoin de ces gammes quand même. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, les plus petits vont naturellement vers les plus grands en prenant exemple sur ce qu'ils font parce qu'ils les pensent super forts et ils sont super forts, mais du coup ils veulent vraiment les imiter en disant moi quand je serai plus grand je ferai comme les U13, donc c'est intéressant aussi. Et les U13 généralement prennent sur leurs ailes les plus petits pour essayer d'avoir des copies conformes, donc ça c'est rigolo à voir. D'accord, et donc je vais revenir à toi, Johan. Tu nous as parlé d'un Koh-Lanta. On avait quoi comme épreuve sur ce stage ? Au début, on a fait un parcours à l'aveugle. Et ensuite, on a fait un parcours où à la fin, il y avait un puzzle à reproduire qui était à l'autre bout d'un autre terrain. Et il fallait y aller et refaire le parcours pour aller redonner à l'équipe pour le puzzle. Et ensuite, on a fait l'épreuve de dégustation. Et ensuite, on a fait les poteaux. Sur des poteaux. Sur les poteaux, donc tu nous expliques, donc pour les gens qui n'auraient pas suivi ou qui n'auraient pas vu les photos sur nos réseaux sociaux, en quoi consistait cette épreuve des poteaux ? Bah, on était sur des bottes de conserve. Donc d'abord avec les deux pieds, c'est ça ? Oui, et après, à partir de 15 minutes, 30 minutes, on se mettait sur qu'un seul pied et c'est là où ça a commencé à tomber. Et du coup, t'es tombée dans les premiers, dans les derniers, toi ? Non, dans les deuxièmes. D'accord. Et qui est-ce qui... On va pouvoir le saluer, d'ailleurs, le vainqueur de cette épreuve des poteaux. Donc, tu te rappelles qui a gagné ? Oui. C'est Hippolyte. Voilà. Donc, un bravo à Hippolyte qui a donc remporté l'épreuve des poteaux et qui a fait donc gagner son équipe, donc l'équipe des jaunes, à ce Koh-Lanta, donc ce premier Koh-Lanta. Donc, c'était aussi plaisant pour nous, éducateurs, de proposer un exercice tout à fait différent de ce qu'on fait habituellement. Et je pense que ça a plu aux plus jeunes et aux plus vieux aussi, parce qu'on a quand même bien rigolé en les voyant, surtout en les voyant manger les criquets. Donc, ça faisait partie de l'épreuve de dégustation. Et donc juste aussi pour les remercier, donc Tirba Yohan, tu vas pouvoir le faire, nous dire les éducateurs qui vous ont accompagnés tout au long du stage. Il y a eu Samantha, Nassira, Fernanda, Nono, Amine, Chaïd, et puis voilà. Voilà, donc un grand merci à tous ces éducateurs bénévoles, évidemment, qui ont donné de leur temps et pour nous accompagner, pour vous accompagner au mieux lors de cette semaine, donc notamment pour les sorties bowling, sorties piscine ou sorties laser game. Donc pour le Koh-Lanta, les éducateurs ont d'ailleurs participé avec vous à certaines épreuves. Ça vous a encouragé de faire ces épreuves avec les éducateurs ? Oui. Vous aviez envie de les battre ou pas forcément ? On avait envie de les battre. Ok, merci Yohan. Et donc, Samantha, juste une petite autre question. Donc là, on était parti donc sur une semaine de stage. C'est un peu aussi un peu une préparation au tournoi que les enfants vont faire au mois de juin. Oui, tout à fait. Au mois de juin, nous attend 2 jours de compétition. Donc, la première, effectivement, sur terrain. Et la deuxième jour, ce sera sur le sable. Donc, on va essayer de voir ça pour essayer d'entraîner nos gardiens sur sable. Parce que j'ai hâte de voir ce que ça va donner, un ballon sur des pieds nus. Je pense qu'il y en a plusieurs qui vont me dire « Aïe, ça fait mal plutôt que de jouer ». Mais bon, à voir ce que ça peut donner. Et donc, oui, c'était une préparation déjà du groupe... qu'on va emmener pour pouvoir souder tout le monde et qu'on aille tous dans le même sens. Ok, très bien, merci Samantha, merci Yohan aussi à toi d'être venu, d'avoir fait le déplacement. Est-ce que j'avais déjà posé la question donc à Oyon, ce qui était venu donc la dernière fois, donc Gédéon et Achille, sur leur comment ils voient leur avenir dans le foot. Toi, tu le vois comment? Est-ce que t'as envie d'être footballeur professionnel ou pas spécialement ? J'ai envie d'être footballeur professionnel. Ouais. T'as une autre idée, d'autres métiers, ou pour l'instant t'as vraiment surtout envie d'être footballeur ? J'ai vraiment envie d'être footballeur. D'accord. Donc va falloir travailler dur. Ouais. T'es prêt à ça ? Oui. Oui. Va falloir grandir aussi. C'est au grandir aussi. Oui, et donc là, pour l'instant, t'es encore sur des plus petits buts, donc t'as encore un peu de temps, mais le fait après de passer sur un terrain à 11 et dans des grands buts comme à la télé, est-ce que ça te fait peur ou pas spécialement, tu penses que... Ben, encore, je suis petit, donc ça me fait peur, mais quand je serai grand, je sais pas ce que ça va me faire. D'accord. Donc pour l'instant, t'attends de voir, mais bon, en principe, un but reste un but, non ? Oui. Ok. Est-ce que tu as envie ou tu aurais envie d'essayer de jouer sur le terrain, ou pour toi il n'y a vraiment que le but ? Pour moi, il n'y a que le but. D'accord. Ok. Donc on a vraiment un gardien spécialisé que dans le but. Ok. Très bien. Merci Yohan. Est-ce que tu veux passer un petit bonjour à quelqu'un ou... À Erwan. À Erwan, donc ton frère ? Oui. Ok. Et bien alors très bien. Donc un bonjour à Erwan, ton frère. Samantha aussi, par la même occasion, est-ce que tu veux saluer quelqu'un ? Oui, tous les éducateurs de l'Union, parce qu'on est tous là, présents, tous ensemble, les uns pour les autres, et ça fait du bien dans le monde actuel. Ok, très bien. Du coup, on en profite pour saluer aussi nos licenciés et nos supporters aussi, qui... qui se déplacent, nombreux quand c'est possible, pour nos matchs à domicile. Donc voilà, donc un bonjour à tout le monde. Et puis, on profite aussi pour saluer le président et les socios et les habitués du siège qui aujourd'hui n'y sont pas puisque le siège est fermé, mais à partir de demain, je pense, enfin, on les retrouvera là-bas au siège, au Faubourg Saint-Vincent. Donc merci à vous deux d'être venus. On merci va bien faire bien. Une petite pause musicale et on accueillera ensuite Xavier et Abza, donc joueurs U19, où on fera un point sur leur saison aussi qui est encore en cours et ils ont encore quelques matchs à jouer. Et puis sur aussi un peu l'historique de ces U19. Donc voilà, on va faire une petite pause musicale. Merci Samantha, merci Johan d'être venus. Et puis du coup à demain à l'entraînement, hein, comme tous les mardis. À Lillaro. À demain. Demain. Your heart is broken, and you don't seem to mind. I guess it happened a little too many times you tried and you got tired. Those long I've written stories, you held a fire right under the snow. They don't, how could they really know? They don't know how it really feels. They kiss your own holidays, a dummy spilling landscapes. How could they see trade? Do you remember? Noël sur Arc-en-Ciel Orléans. La fête des œillets organisée par Radio Arc-en-Ciel aura lieu le samedi 30 avril prochain à partir de 21h, salle des fêtes de Saint-Privé-Saint-Mémin. Le bal sera animé par le groupe Capa Negra. Et pour cette occasion, nous recevrons une grande artiste de la musique portugaise, la chanteuse Agatha. Buvette et restauration rapide sur place. La prochaine date à ne pas manquer, c'est le 30 avril prochain. L'entrée de 10 euros et 8 euros pour les adhérents à jour de leur cotisation. Alors, soyez au rendez-vous. Agatha et le groupe Capa Negra, samedi 30 avril, salle des fêtes de Saint-Privé-Saint-Mémin, une organisation Radio Arc-en-Ciel. Donc vous êtes bien sûr Arc-en-Ciel, 100% Union, de 18h à 19h, comme tous les lundis. Juste pour revenir à la publicité là qui vient de passer pour le bal organisé par Arc-en-Ciel le 30 avril. Donc c'est le bal qui fête les œillets. Donc les œillets, c'est d'ailleurs aujourd'hui le 25 avril. Donc c'est un jour très important pour nos amis portugais. C'est le jour de la liberté. Donc c'est un 25 avril qu'ils ont 1974 où on a mis fin à la dictature de Salazar au Portugal. Donc voilà pour la petite histoire. Donc on va accueillir désormais Xavier avec moi en studio. Donc Xavier, coach U19, j'ai aussi Ilyes qui est là et Hamza, donc deux joueurs du groupe U19 avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Hop. Donc on va commencer avec le coach Xavier. Coach des U19 donc cette année, première année si je me trompe pas pour la création de cette équipe U19 à l'Union, ou est-ce qu'on avait déjà eu des U19 à l'Union? Oui, on a déjà eu, mais par le passé quoi. D'accord. Ça remonte okay. À quelques années quand même. Oui, parce que là, moi personnellement, depuis que je suis à l'Union, je crois qu'on n'avait pas eu de U19, donc c'est un peu une nouveauté là depuis, on va dire, depuis 5 ou 6 ans. Depuis ça, même un peu plus, c'est effectivement une nouveauté. On avait un noyau de joueurs présent U17 qui souhaitait continuer, peut-être aussi un petit peu juste pour aller directement auprès des seniors. Et en fait, on a pu créer cette catégorie du coup. Et moi, j'en suis très content et je pense que c'est vraiment nécessaire. D'avoir des U19 pour incorporer par la suite aux seniors. D'accord. Alors le championnat U19, donc c'est un championnat qui est un peu plus court, on va dire, que le championnat senior. Donc là, vous avez fait une première phase où vous étiez donc en niveau 2, c'est ça? Alors, non, en fait, la première phase, c'est ça définit, ce sont des poules géographiques, on va dire. Ah oui, c'est un brassage, quoi, c'est ça. Voilà, c'est un brassage et ça définit ensuite les poules de la seconde phase. Malheureusement, lors de ce brassage, on a dû affronter de belles équipes. Et puis, pour être franc, on ne s'attendait pas non plus à ce niveau, puisque c'était la première fois qu'on découvrait un peu les 19. Donc on a très mal commencé et on a mieux fini. Malheureusement, c'était déjà trop tard pour essayer de se maintenir, on va dire, dans la division la plus élevée. Donc on est à l'heure actuelle en Div 1 et non en élite. Pour la seconde phase et on va essayer de la gagner si c'est possible. Enfin, j'espère qu'ils sont motivés pour, parce qu'il y a vraiment possibilité. Et par contre, on s'est fait un peu remarquer en coupe, où on a réussi à sortir à la fois le vainqueur du championnat élite première phase, Olivet, et également Fayolloge, qui, enfin l'entente Loge et Forêt, qui est à l'heure actuelle leader de ce championnat élite, justement. D'accord, donc bravo aux garçons. Donc c'est vrai qu'on en avait déjà parlé ici lors de l'émission. On va faire juste peut-être un petit point classement. Donc là, j'ai le classement du championnat U19 sous les yeux. Donc là, vous êtes actuellement à la troisième place, mais avec deux matchs de retard par rapport au premier, donc c'est Pouilly-Autry. Donc vous êtes à 4 points du premier, mais bon, avec deux matchs de retard, donc il y a toujours possibilité, on l'espère, en gagnant ces deux matchs, de se retrouver en tête du classement. Elias, toi, tu es gardien à l'Union, oui, c'est ça? C'est ça, ouais. Si tu peux te rapprocher du micro, pardon. Ça fait combien de temps que t'es à l'Union? Moi, c'est ma première année à l'Union. D'accord. Juste avant, j'étais à Olivet, hein, l'équipe qu'on a sortie, comme Xavier l'a dit, en coupe. Et à Olivet, moi, j'ai joué pendant 4 ans. Et là, c'est ma première année à l'Union. D'accord. Et t'as connu l'Union comment? Grâce à un collègue à moi, à Nuno, il n'est pas là avec nous, mais c'est lui qui m'a parlé du club, et Antonin aussi, il m'a beaucoup parlé du nom portugais. D'accord, donc après, enfin, c'est vrai que nous c'est un peu le cas aussi, on a pas mal de joueurs, c'est un peu une histoire de bouche à oreille, surtout on vient parce qu'on a des copains ou parce qu'on connaît du monde. Toi, t'as été, même à Olivet, tu étais gardien de but ou ouais, à Olivet, j'ai toujours été gardien de but. D'accord, donc aujourd'hui on avait deux gardiens de but avec nous sur l'émission. Toi, tes objectifs personnels pour cette saison? Bah moi déjà pour cette saison, je me vois déjà avec mon équipe premier de notre pool. Moi je trouve que c'est un objectif largement faisable. Mais après, ça ne tient pas qu'à moi, hein. C'est aussi pour toute l'équipe que je dis ça. Et comme l'a dit Xavier, il faut juste qu'on soit motivé. Il faut motiver et mature aussi. Mature dans le jeu. Hein. Ok, merci Elias. Hamza, à ton tour du coup. Toi, tu es à l'Union depuis combien de temps? Moi, je suis à l'Union depuis 2 ans. Là. C'est mes deux premières années de foot. J'ai fait du foot depuis toujours. Mais plus des soucis avec mes parents par rapport aux inscriptions liées à des maladies. Du coup, ils avaient un peu peur, tout ça. Mais avec du forcing, un peu, entre guillemets, j'ai réussi à m'inscrire. D'accord. Donc avant l'Union, tu faisais du foot avec tes copains, mais pas forcément au club, du coup. Exactement. C'est ça. Et du coup, j'ai rencontré l'Union... J'étais venu m'entraîner sur le terrain, justement, donc juste en tant que loisir. Et j'avais vu Xavier avec une équipe. Ils étaient en train de faire un entraînement, du coup, j'avais demandé si je pouvais participer à l'entraînement. Il a gentiment accepté, et voilà. D'accord, et donc depuis, tu joues avec Xavier. Oui, c'est ça. Et donc, un peu comme Elias, tes objectifs pour cette saison? Donc d'abord, peut-être objectif collectif et après un peu plus individuel. Collectivement, je pense qu'on a un bon groupe. On a largement les capacités et les armes d'être premier de ce classement et de remporter cette coupe. Après, comme l'a dit Elias, ça tient qu'à nous. On doit rester discipliné et rester sérieux dans notre jeu. On sait qu'on a les individualités pour, et maintenant il faudra juste s'entraîner et parler avec notre collectif sur le terrain. Et qu'est-ce qui peut vous empêcher justement d'être premier de votre poule, ou qu'est-ce qui peut rendre la tâche un peu plus difficile à ton avis? Rien, hein, je pense qu'on a tout, hormis le fait qu'on se met un peu au niveau des équipes contre qui on joue. Comme l'a dit le coach, on a réussi à éliminer Olivet, qui est une équipe qui avait 3 divisions plus que nous, il me semble. Donc on peut réussir à gagner des grandes équipes comme perdre contre des petites équipes. Ok, merci Hamza. Je sais que nous on te voit aussi un peu les jeudis filer un coup de main lors des entraînements avec les U11. Est-ce que le coaching, c'est quelque chose qui peut t'intéresser aussi ou dans un avenir plus ou moins proche? Pourquoi pas. J'aime bien le contact avec les petits, entre guillemets. Ils aiment le foot, c'est beau à voir, ils s'amusent. Et c'est dommage qu'on l'oublie des fois, notre samedi sur le terrain. C'est vrai que, après, quand on exige des résultats, c'est vrai que ça devient un peu plus compliqué de laisser trop de place au plaisir. Xavier, vous avez donc, vous, un match dès samedi. Oui. Contre Boulay, c'est ça? Voilà, Boulay, Brissy, j'ai dit. Comment est-ce que vous avez préparé ce match, sachant que Boulay, ils sont derrière vous au classement. Bon, ils ont 5 matchs et je regarde, 3 défaites, un forfait, une victoire. Ouais, comment on va préparer ça comme d'habitude? On va essayer de mettre l'accent un peu plus sur l'offensive pour essayer de marquer plus de buts possible. Et puis aussi on va travailler une défense qui risque d'être aussi un peu remaniée puisqu'on a entre un blessé et un suspendu. On va devoir un peu improviser pour ce match. Ok, toi Elias, donc t'es gardien, donc il y a un peu la même question que je posais à Johan tout à l'heure. Un peu de responsabilité sur tes épaules, notamment quand vous prenez des buts, évidemment. Toi, tu le vis bien, cette responsabilité, ou des fois, c'est pas forcément toujours facile à porter? Ouais, c'est pas tout le temps facile à porter, hein, surtout quand c'est des matchs compliqués. Il y a beaucoup de remarques à mon égard qui font que ça fait réfléchir un peu. Certes, c'est une responsabilité un peu de pression aussi avant les matchs, mais en vrai, là, les matchs qui suivent, en vrai, j'ai pas peur. Moi, je suis un peu serein. D'accord. Donc, le fait de partir un peu trop serein, est-ce que ça peut être aussi vous mettre en porte-à-faux sur certaines rencontres, ou tu penses que ça peut quand même. Ça va passer au niveau des résultats? Je pense que ça va passer, moi. Bon, en tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Toi, Hamza, t'es un peu plus offensif sur le terrain. Il me semble avoir d'ailleurs, en donnant les résultats, je pense que t'avais déjà dû marquer quelques buts cette saison. Tu les comptes ou pas spécialement? Non, je les compte pas trop, non. Mais ouais, j'ai marqué cette saison, en fait. Ok, merci Hamza. Xavier, une autre question. Toi, dans le groupe U19, quelle est, selon toi, la plus grosse difficulté que tu rencontres, toi, au niveau du coaching? La plus grosse difficulté, c'est au niveau du coaching. Oui, au niveau de ton groupe. Parce que je sais que nous, généralement, les plus gros soucis qu'on peut rencontrer, c'est gérer un peu les sentiments entre guillemets des joueurs. Est-ce que c'est compliqué avec ce public qui est un peu plus qui est un peu dans une phase où ils s'affirment un peu plus que les nôtres, où on leur dit tu joues en défense, ils joueront en défense, alors que peut-être qu'avec les tiens c'est un peu plus compliqué, non? Ah bah oui. Il y a des spécialistes du poste maintenant, soi-disant. Globalement ça va, je pouvais m'attendre à pire. Donc là-dessus, sur la discipline, ça peut à peu près aller. Le plus difficile, en fait, c'est de leur faire prendre conscience qu'il y a une certaine maturité dans le jeu, qu'il y a une certaine notion de on fait tourner pour passer d'un côté à l'autre, de faire un point d'appui, toutes ces notions de jeu de possession, qui sont un peu plus compliqués, puisque comme le dit Hamza, on a des joueurs qui peuvent avoir que deux ans de foot antérieurs, malgré qu'il ait fait pas mal de City Stade et qui le rend très technique. Mais il y a d'autres clubs où ils en sont à 10 ans de foot et qui ont déjà certaines certitudes dans ce jeu-là, donc c'est nous, faut qu'on, entre guillemets, qu'on rattrape le retard. Et c'est pour ça que, notamment au début de saison, c'était compliqué. Donc là, un peu, enfin, je pense que c'est un peu le même souci qu'on peut rencontrer nous sur les catégories jeunes. C'est vrai qu'on se retrouve des fois avec des joueurs qui ont peut-être qui commencent le foot. Enfin, peut-être nous avec les U11, c'est sûr, c'est plus évident. Mais est-ce que toi aussi, dans ton groupe, tu rencontres des joueurs qui débutent le foot là en U19, enfin en U18? Est-ce que c'est le cas pour votre catégorie? Oui. Et donc, comment tu les gères ces débutants du coup? Bah, comment je les gère? Ils sont incorporés au groupe directement. Si vraiment entre guillemets ils ont, enfin, il y a des problèmes de qualité quelconque ou quoi, là, faut les prendre un peu séparément pour les faire travailler et rattraper un retard. Maintenant, ce n'a pas été forcément le cas puisque même à cet âge-là. Ils ont quand même touché le ballon, ils ont quand même fait du foot, même si c'est dans des city stades ou autres. Voilà, donc là-dessus, il n'y a pas trop de problèmes. C'est surtout dans les placements où là, par contre, il y a pas mal de boulot à faire. Ok. Je vais revenir à vous, Elias et Hamza. Est-ce que, donc là, vous êtes en première année, enfin, qui est en première année, Hamza, c'est ça? Non, deuxième année aussi, deuxième. 2019. Donc on a deux U19 qui sont donc l'année prochaine seniors. Non, ils sont U18. En fait, ils sont U18, donc ils seront encore U19. Ah, ils sont encore U19. D'accord, donc ils sont en première année dans la catégorie U19. Donc là, la question se pose pas, mais est-ce qu'éventuellement, après la catégorie U19, est-ce que vous envisagez, vous, de continuer avec les seniors ou pour l'instant, c'est un peu trop tôt de le dire? Moi, pour ma part, ouais, moi, pourquoi pas. Moi, j'aime plus... Ça m'est déjà arrivé de m'entraîner avec les seniors et même d'être appelé un de leurs matchs. J'aime beaucoup leur groupe, leur jeu. Et ouais, c'est grave plaisant. Donc c'est pas le même niveau et ouais, j'aime bien. Moi, pour ma part, je pense que c'est encore trop tôt pour se prononcer, mais je pense que c'est fortement possible. Le groupe, il a l'air de bien vivre. Avec le peu d'entraînement que j'ai fait avec eux, ils étaient tous respectueux du bon football, du physique, tout ce qu'il faut. Ok, après, on pose la question nous aux jeunes, s'ils se voient footballeurs professionnels, est-ce que vous êtes encore avec ces objectifs-là ou du coup vous êtes fait une raison et c'est vraiment que pour s'amuser entre guillemets les week-ends? Ouais, moi c'est. Je crois qu'on. Xavier, il a un peu enlevé cette idée-là de la tête. Hein. Mais voilà, c'est plus du loisir. Qui dit loisir dit pas prendre tout à la légère. On a quand même des objectifs et on essaie quand même de rester sérieux. Okay, et toi, Hamza? S'il y a des jeunes qui nous écoutent, faut pas abandonner. Hein. Vous pouvez être footballeur jusqu'à n'importe quel âge. Mais personnellement, non, moi c'est comme Elias, c'est du loisir. On s'amuse après l'école et tout en restant sérieux. Donc priorité à vos études du coup? Oui, c'est ça, exactement. Toujours hein, priorité aux études. Oui. Ok, très bien, merci messieurs. Xavier, oui. Donc toi tu suis un peu aussi le groupe senior les dimanches. Est-ce que dans le groupe que tu as là avec les U19, tu vois des joueurs qui pourraient intégrer peut-être même déjà dès l'année prochaine, même s'ils sont encore U19 et qu'ils peuvent jouer avec les 19, tu les sens dans cette capacité de pouvoir affronter en fait des équipes un peu plus... pas forcément plus forte, parce que enfin, de ce qu'on voit nous au match des U19, il y a quand même pas mal d'opposition et il y a des très très belles équipes, mais passer un peu au cap supérieur et jouer avec les seniors. Oui, il y en a certains, je les pense déjà prêts. J'ai dit notamment à aux entraîneurs de seniors qu'ils étaient à leur disposition s'il y avait besoin... de compléter des effectifs ou même d'améliorer des effectifs. On a fait la semaine dernière on a fait un match amical contre la réserve justement. On a perdu 4-2, mais j'ai trouvé que dans le contenu on était c'est peut-être notre meilleure prestation qu'on ait fait par rapport à nos trois matchs amicaux avec la réserve. Donc, oui, enfin, il y en a certains qui sont, je pense, qui sont prêts. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a le coach de la première m'en a parlé de 2-3. D'accord. En tout cas, on espère vous voir peut-être d'ici la fin de la saison jouer aux côtés de nos seniors sur les prochaines échéances. Sur les matchs qui vous restent à jouer, les garçons, il y a une équipe qui vous fait un peu plus peur qu'une autre ou globalement, vous pensez que c'est assez facile ? Bah, franchement, non, il n'y a pas de grosse tête, il n'y a pas d'équipe. Franchement, il n'y a pas grand monde qui nous fait peur. Après, le problème, c'est quoi ? C'est qu'on a la chance d'avoir un terrain synthétique, ce que les autres clubs n'ont pas. C'est-à-dire, quand on joue chez eux, c'est qu'on est un petit peu désorienté, on est un peu en difficulté avec la qualité de leur terrain. Et c'est un petit peu ça qui est gênant. Mais globalement, non, c'est pas pour faire le gars prétentieux quoi, mais en vrai de vrai, il n'y en a pas une qui me fait peur. Ok, toi Hamza ? Pareil, aucune équipe nous fait peur. Je pense qu'il faudrait juste être encore un peu plus sérieux. Parce que d'après mes souvenirs, Bully, l'équipe contre qui on va jouer samedi, on les a toujours battus avec un score assez serré, souvent des 4-3, 2-1. Donc ça peut vite tourner en faveur si on se relâche un peu. Et après, Mandoré, on n'a pas eu l'occasion de jouer contre eux. C'est ça. Du coup, on va les affronter deux fois en deux semaines. Donc pareil, il faudrait être très sérieux parce que ça peut aller. Et je suis d'accord. Il vous reste donc le match aussi face à ce mois. Donc on espère une revanche face à ce match, suite à ce match ou à ce mois où vous vous êtes incliné, du coup, un peu sur la fin du match. Non, c'était pas incliné. L'effectif était moins, mais il était réduit à cause du pass sanitaire. Oui. Mais ça n'excuse pas notre prestation. Et on fera tout pour votre. On avait pris un but, une égalisation à dernière minute, mais on s'était pas incliné. Okay. En tout cas, oui, on espère un meilleur résultat sur le prochain match, donc ça sera le 7 mai. Je vous remercie, messieurs, d'être venus nous parler un peu sur la catégorie U19. On vous souhaite donc des victoires sur cette fin de saison et on espère à la fin pouvoir fêter avec vous la première place du classement. Donc si vous avez des gens à saluer, n'hésitez pas, je vous laisse le micro, vous pouvez y aller. Toute l'équipe, hein, tout l'effectif U19 et U17 aussi. U17 hein, qui s'entraînent régulièrement avec nous. Et voilà. Donc les U17 feront aussi, on les invitera aussi sur une émission plus centrée particulièrement donc sur les U17. Un bonjour à tout l'effectif U19. Je vais donc laisser juste le micro à Yousra pour les anniversaires de cette semaine. Donc on va revenir un peu sur les anniversaires. C'est Xavier du coup qui va s'en charger aujourd'hui. Donc on va revenir sur ceux de samedi. On avait une belle brochette de U17 qui fêtait leur anniversaire. Ouais, c'est ça. Donc il y avait Hildo le 23, hein, c'est ça, avec Tom également. Donc bon anniversaire à Tom et Hildo. Je reviens juste quelques jours auparavant parce qu'il y en a un qui fait le mariole là, mais c'était son anniversaire. Donc Ilyes, je te remercie de nous ramener de quoi nous mettre bien au l'entraînement, hein, vu que tu travailles à Maison Beckham, donc n'hésite pas. Hein. Donc il y avait également Alexis en U11. Qui fêtait son anniversaire. Il y a également Atim du groupe U17 et Mathias. Ils étaient tous nés le 23. Donc Atim qu'on ne revoit plus trop de ces derniers temps, mais bon, on lui souhaite quand même un bon anniversaire. Et Mathias, notre gardien, U17. Ensuite, nous avons Dembo, donc le 25 avril. C'est un U15. Il y a également un U10 le 29 avril avec Ryan. Et donc, Pierre-Antoine, un joueur senior, le 27 avril. Donc, bon anniversaire à tout le monde et profitez bien. et j'en profite pour une petite annonce du coup perso, un petit anniversaire hier de mon filleul qui a aussi joué quelques années à l'Union mais qui a un peu arrêté le foot, donc un joyeux anniversaire à toi Miguel. Avant de se quitter, Xavier, tu vas pouvoir poursuivre sur ta lancée et nous donner le calendrier des matchs à venir. Alors, donc on commence par les U11, donc un match certainement en retard, puisqu'il y en a quand même. Exactement. Donc c'est l'équipe première U11 qui va se déplacer à la Chapelle Saint-Mémin, sur le terrain de la Chapelle, le samedi 30 à 14h. Oh, ça va être une belle affiche, ça va bien jouer, je pense. Oui, je pense que c'est un gros match pour sympa. Nos U11. Allez-y, hein, c'est pas très loin, la Chapelle. Donc ensuite, le samedi, nous avons quoi d'autre ? Nous avons les U13 qui reçoivent cette fois-ci Beaugency USBVL 2. Donc c'est à 14h. Donc ça risque d'être au stade Beltest, hein, par contre, au stade de la rue Moine. Puisqu'on a des petits soucis avec la mairie, mais bon, on en reparlera. Nous avons aussi un déplacement des U15 à Mandoré. Donc ce sera samedi 30 avril à 10h30, donc gros déplacement, les pauvres ils vont se lever tôt, hein, d'aller à Villemandeur à 10h30. Et enfin, pour samedi, nous avons le match U19, à 18h, à Boulay-Brissy, j'ai dit. Donc c'est tout pour samedi, je crois, et donc dimanche, un match en retard pour les seniors 1, 1er mai, l'Union recevra à 14h30 au stade Beltest, Coulon-Cerdon. Ok, très bien. Donc, merci Xavier. N'hésitez pas donc à venir encourager nos joueurs, surtout pour les matchs à domicile, mais même pour les matchs à l'extérieur qui seront un peu dans le secteur, n'hésitez pas. Donc merci à vous d'être venus ce soir nous parler un peu de vos expériences respectives à l'Union Portugaise. Dès lundi, on se retrouve la semaine prochaine donc pour refaire un point sur les matchs donc que Xavier vient de nous annoncer, et puis on aura certainement l'accent aussi sur une des catégories qui n'a pas encore été définie, mais on verra ça dans la semaine. Donc voilà, une bonne soirée à tous et une bonne semaine de travail. Merci, et, merci à vous. Des bons entraînements mardi et jeudi pour nos jeunes. Sei como começo. Fica tão difícil para mim. E digo coisas sem nexo. Perguntas porque estou assim. Eu nem sei explicar, nem vou contar. Que o tempo parou desde acordar. Esse teu jeito inocente que me faz não te querer largar. Ah. Foram os teus abraços, o sorriso maroto, o teu corpo desenhado. E eu desajeitado, e tu sem me dar troco, fica mais um bocado. E ela diz que não dá, não dá, não dá, não dá. E ela diz que não dá, não dá, não dá, não dá. E ela diz que não dá. Não estás bem quando estás sozinha. Eu não percebo se tu estás na minha. Mas vá lá, não fiques convencida. Só porque és mais gira do que querida. E então eu sou um perdido e um achado. Tu às vezes pões de lado, mas queres. E então eu penso em ti todos os dias. Mas não sei se penso mais do que pedes. Foram os teus abraços, o sorriso maroto, o teu corpo desenhado. Eu desajeitado e tu sem me dar troco, fica mais um bocado. E ela diz que não dá, não dá, não dá, não dá. E ela diz que não dá, não dá, não dá, não dá. E ela diz que não dá, não dá, não dá, não dá. Não dá porque se nos teus olhos eu vejo que tu queres mais de mim, eu grito, mas tu não vens, nem tens alguém que te provoque, te deseje, te toque, te faça rir, te espere, te leve no meu hip hop. Quero ter-te por perto, vem ter comigo, és tu que escolhes, nunca houve mais ninguém, tens o meu mundo nos teus olhos, nada é incerto e tu és essa vontade de ter, de te querer, de sentir, escrever e dizer que és aquilo que eu preciso. Então eu sei que valia a pena, só não sei se são os meus abraços que te sabem a pouco e tu queres o teu espaço. Será que sou passado ou isto é só um jogo para me teres ao teu lado? Mas ela diz que não dá.